Le président du mouvement du 26 mars d'Urgueil, Ruben Maria Vera, a fait parvenir le 23 mai un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le dessinateur lui a adressé les félicitations les plus chaleureuses du peuple urgayen après avoir écouté son historique rapport prononcé au congrès du parti au moment où le monde entier considère le Parti Travail de Corée comme le rempart invincible qui éclaire la voie d'une nouvelle victoire de la lutte glorieuse. Il lui a souhaité de plus grands succès en félicitant le 7e congrès du Parti Travail de Corée et en exprimant son soutien total au rapport du camarade Kim Jong-un et aux activités du Parti Travail de Corée.